50 languages. 8. 8. التوقيت. L'heure. L'heure. إذا سمحت. عفوا. Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. عفوا. كم الساعة؟ Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Quelle heure est-il, s'il vous plaît? شكرا جزيلا. Merci beaucoup. Merci beaucoup. إنها الواحدة. Il est une heure. Il est une heure. إنها الثانية. Il est deux heures. Il est deux heures. إنها الثالثة. Il est trois heures. Il est trois heures. إنها الرابعة. Il est quatre heures. Il est quatre heures. إنها الخامسة. Il est cinq heures. Il est cinq heures. إنها السادسة. Il est six heures. Il est six heures. إنها السابعة. Il est sept heures. Il est sept heures. إنها الثامنة. Il est huit heures. Il est huit heures. إنها التاسعة. Il est neuf heures. Il est neuf heures. إنها العاشرة. Il est dix heures. Il est dix heures. إنها الحادية عشرة. Il est onze heures. Il est onze heures. إنها الثانية عشرة. Il est douze heures. Il est douze heures. الدقيقة فيها ستون ثانية. Une minute à soixante secondes. Une minute à soixante secondes. الساعة فيها ستون دقيقة. Une heure à soixante minutes. Une heure à soixante minutes. اليوم فيه أربعة وعشرين ساعة. Un jour à vingt-quatre heures. Un jour à vingt-quatre heures.